Bien sûr, toujours. En ce moment, je suis pas trop là, mais frérot, t'inquiète, je vais pas te lâcher. Je sais que ça me jalouse, ça m'envie, mais je suis comme ça, moi je vais pas me cacher. J'ai fait ce que j'avais à faire, je peux pas me rabaisser, moi je vais pas te clasher. Les armes, le buzz, le pouvoir, ouais, maintenant tout ça achète. Le guetteur a fait un gros trou, il a braqué assis sur la chaise. Tu m'as fait la bise et dans mon dos tu as parlé en tête. Alors, c'est comme un traître que je te traite. Je croyais que tu étais un bon et tout, mais j'ai vu que t'es un BDH en fait. Je suis gentil, mais un jour je peux vous niquer, ça fait que vous le sachiez. J'avais pas rien à la banque, je m'a donné, moi je veux pas tout gâcher. Accumulation de problèmes dans ma life, merde, je veux pas finir perché. J'ai mal aux dents, ça me gâte la tête, j'ai comme la douleur avec un cachet. À dire que dans le bloc, c'est vraiment un sachet. Les soucis me rogent pour mon taf, ça me dérange, alors je me pète un bête. Comme tu parais pas bien, j'suis pas bien, comment me t'inquiète, tu m'inquiètes. J'suis trop fier sans m'écouter, Pablo Picasso, j'suis qu'on m'inquiète. On vit dans un monde de fou, tu donnes la force à Fiji, j'ai pas besoin d'aide. Au début, tu joues, c'est le sang, j'le connais, après ils retombent leur bête. J'aime trop la musique, j'ai plus de vie de famille, un jour, plus faut-il que j'arrête. Pour l'instant, je continue, je peux te dire que c'est pas fini. J'fais un like, tu les vois faire le signe sur le boulevard, ça cacini. Je suis pas la gadis, elle veut t'aider sous facile et qu'elle veut t'appuyer. Tu dis à tout le monde que j'ai une folle, mais toi tu l'as même pas pigné.